Chapitre 7e, la fronde, ses causes, ses symptômes. Vous avez vu ci-devant tout l'extérieur des 4 années de la régence, et je vous ai déjà même expliqué l'effet que la prison de M. de Beaufort fit d'abord sur les esprits. Il est certain qu'elle y imprima du respect pour un homme pour qui l'éclat de la pourpre n'en avait pu donner aux particuliers. Onde Dei m'a dit que le cardinal s'était moqué avec lui à ce propos, de la légèreté des Français, mais il m'ajouta en même temps qu'au bout de 4 mois il s'admira lui-même, qu'il s'érigea dans son opinion en Richelieu, et qu'il se crut même plus habile que lui. Il faudrait des volumes pour raconter toutes ces fautes, dont les moindres étaient d'une importance extrême, par une considération qui mérite une observation particulière. Comme il marchait sur les pas du cardinal de Richelieu, qui avait achevé de détruire toutes les anciennes maximes de l'État, il suivait un chemin qui était de tous côtés bordé de précipices. Et comme il ne voyait pas ces précipices que le cardinal de Richelieu n'avait pas ignorés, il ne se servait pas des appuis par lesquels le cardinal de Richelieu avait assuré sa marche. J'explique ce peu de paroles qui comprend beaucoup de choses par un exemple. Le cardinal de Richelieu avait affecté d'abaisser les corps, mais il n'avait pas oublié de ménager les particuliers. Cette idée suffit pour vous faire concevoir tout le reste. Ce qu'il y eut de merveilleux fut que tout contribua à le tromper et à se tromper soi-même. Il y eut toutefois des raisons naturelles de cette illusion, et vous en avez vu quelques-unes dans la disposition où je vous ai marqué ci-devant qu'il avait trouvé les affaires, les corps et les particuliers du royaume. Mais il faut avouer que cette illusion fut très extraordinaire et qu'elle passa jusqu'à un grand excès. Le dernier point de l'illusion en matière d'état est une espèce de léthargie qui n'arrive jamais qu'après de grands symptômes, le renversement des anciennes lois, l'anéantissement de ce milieu qu'elles ont posé entre les peuples et les rois, l'établissement de l'autorité purement et absolument despotique, sont ceux qui ont jeté originairement la France dans les convulsions dans lesquelles nos pères l'ont vue. Le cardinal de Richelieu la vint traiter comme un empirique, avec des remèdes violents, qui lui firent paraître de la force, mais une force d'agitation qui en épuisa le corps et les parties. Le cardinal Mazarin, comme un médecin très inexpérimenté, ne connut point son abattement. Il ne le soutint point par les secrets chimiques de son prédécesseur. Il continua de l'affaiblir par des saignées. Elle tomba en léthargie, et il fut assez malhabile pour prendre ce fort repos pour une véritable santé. Les provinces abandonnées à la rapine des surintendants demeuraient abattues et assoupies sous la pesanteur de leurs maux, que les secousses qu'elles s'étaient données de temps en temps sous le cardinal de Richelieu n'avaient fait qu'augmenter et qu'aigrir. Les parlements, qui avaient tout fraîchement gémi sous sa tyrannie, étaient comme insensibles aux mesures présentes, par les mémoires encore trop vives et trop récentes des passés. Les grands, qui pour la plupart avaient été chassés du royaume, s'endormaient paresseusement dans leur lit, qu'ils avaient été ravis de retrouver. Si cette indolence générale eût été ménagée, l'assoupissement eût peut-être duré plus longtemps, mais comme le médecin ne le prenait que pour un doux sommeil, il n'y fit aucun remède. Le mal s'aigrit, la tête s'éveilla, Paris se sentit, il poussa des soupirs. L'on n'en fit point de cas, il tomba en frénésie. Venons aux détails. Emery, surintendant des finances, et à mon sens l'esprit le plus corrompu de son siècle, ne cherchait que des noms pour trouver des édits. Je ne vous puis mieux exprimer le fond de l'âme du personnage, qui disait en plein conseil, je l'ai ouï, que la foi n'était que pour les marchands, et que les maîtres des requêtes qui l'alléguaient pour raison dans les affaires qui regardaient le roi méritaient d'être punis. Je ne vous puis mieux expliquer le défaut de son jugement. Cet homme, qui avait été condamné à Lyon dans sa jeunesse à être pendu, gouvernait même avec empire le cardinal Mazarin en tout ce qui regardait le dedans du royaume. Je choisis cette remarque entre 12 ou 15 que je pourrais faire de même nature pour vous donner à entendre l'extrémité du mal, qui n'est jamais à son période que quand ceux qui commandent ont perdu la honte, parce que c'est justement le moment dans lequel ceux qui obéissent perdent le respect, et c'est dans ce même moment où l'on revient de la léthargie mais par des convulsions. Les Suisses paraissaient, pour ainsi parler, s'y étouffer sous la pesanteur de leur chaîne, qu'ils ne respiraient plus, quand la révolte de 3 de leurs paysans forma les ligues. Les Hollandais se croyaient subjugués par le duc d'Albe, quand le prince d'Orange, par le sort réservé aux grands guerriers, qui voient devant tous les autres le point de la possibilité, conçut et enfanta leur liberté. Voilà des exemples. La raison y est. Ce qui cause l'assoupissement dans les états qui souffrent est la durée du mal qui saisit l'imagination des hommes et qui leur fait croire qu'il ne finira jamais. Aussitôt qu'il trouve jour à en sortir, ce qui ne manque jamais lorsqu'il est venu jusqu'à un certain point, ils sont si surpris, si aises et si emportés, qu'ils passent tout d'un coup à l'autre extrémité et que bien loin de considérer les révolutions comme impossibles, ils les croient faciles. Et cette disposition toute seule est quelquefois capable de les faire. Nous avons éprouvé et senti toutes ces vérités dans notre dernière révolution. Qui eût dit, 3 mois devant la petite pointe des troubles, qu'il en eût pu naître dans un état où la maison royale était parfaitement unie, où la cour était esclave du ministre, où les provinces et la capitale lui étaient soumises, où les armées étaient victorieuses, où les compagnies paraissaient de tout point impuissantes. Qui l'eût dit eût passé pour insensé. Je ne dis pas dans l'esprit du vulgaire, mais je dis entre les destrés et les sainteurs. Il paraît un peu de sentiment, une lueur ou plutôt une étincelle de vie, et ce signe de vie, dans les commencements, presque imperceptible, ne se donne point par monsieur. Il ne se donne point par monsieur le prince. Il ne se donne point par les grands du royaume. Il ne se donne point par les provinces. Il se donne par le parlement qui, jusqu'à notre siècle, n'avait jamais commencé de révolution et qui, certainement, aurait condamné, par des arrêts sanglants, celle qu'il faisait lui-même, si tout autre que lui l'eût commencé. Il gronda sur l'édit du tarif, et aussitôt qu'il eut seulement murmuré, tout le monde s'éveilla. L'on chercha en s'éveillant, comme à tâtons, les lois. On ne les trouva plus. L'on s'effara, l'on cria, on se les demanda. Et dans cette agitation, les questions que leurs explications firent naître, d'obscures qu'elles étaient et vénérables par leur obscurité, devinrent problématiques, et de là, à l'égard de la moitié du monde, odieuses. Le peuple entra dans le sanctuaire. Il leva le voile qui doit toujours couvrir tout ce que l'on peut dire, tout ce que l'on peut croire du droit des peuples et de celui des rois, qui ne s'accordent jamais si bien ensemble que dans le silence. La salle du palais profana ces mystères. Venons aux faits particuliers qui vous feront voir à l'œil ce détail.